les notes, la connexion, les choses se font. Petit haïsseur de merde, branchez-vous. Sur vos appareils, les appareils de CISM jusqu'au cabaret. Peu importe la station, tu peux pas terminer l'émission sans rémission dans une forte prestation. Die and Sue apporte la préparation. Entrevue musique en continu sans séparation. Déclaration, le show le plus mang en ville arrive avec un soin contagieux. Le monde en veut, c'est Ghetto Érudit. Yes, yes, bienvenue à Ghetto Érudit, l'édition du samedi 5 février. Vous êtes avec nous jusqu'à 21h30 sur les ondes de CISM à Montréal. Aujourd'hui, grosse émission, on reçoit un DJ, un vétéran de la scène locale. On a DJ Org qui sera dans la place à être au courant de l'émission. A.K.A. Bérubé. Watatata! Non, il y a plusieurs A.K.A. Org qui est producteur, DJ, acteur, qui est présent sur la scène artistique depuis l'âge de 8 ans. J'ai fait mes recherches. Puis bon, il va être en studio, puis on fait vraiment une grosse émission spéciale. On lui dédie cette émission ce soir pour qu'il puisse nous parler de... Parce que le gars, il est là depuis très, très longtemps dans la scène et il a vu une certaine évolution, très certainement. Et en plus, tous les projets, groupes duquel il a fait partie, je pense que les auditeurs vont être gâtés ce soir. Ouais, beaucoup de trucs old school pour les auditeurs ce soir. Déjà, ce que je sais, pour vous donner un petit aperçu, on va avoir des sons, entre autres, de KZ Combination. Oh. On va avoir des tracks, des extraits de la compilation Narcotique Sonore qui est sortie en 2001. Yeah. Org, il va avoir aussi probablement des inédits avec lui. Il a produit pour pas mal tout le monde au Québec. Puis, il m'a parlé aussi d'extraits exclusifs de la LIHQ qui était Ligue d'improvisation hip-hop du Québec. Donc, on a peut-être des audios de ça ce soir. En fait, Org va débarquer ici. On va en parler de long en large avec lui. Nice. Donc, c'est ça. Sinon, il y a la chronique habituelle avec toi-même et Noël. Oui, ce soir, les news, puis quelques exclusivités pour vous à la maison. Nice. Sinon, bon, de mon côté... cette semaine, j'ai délaissé pour une des rares fois les nouveautés. Je crois que ça valait la peine qu'on rende hommage en fait à un artiste qui nous a quitté déjà il y a 5 ans. Ouais. Ça va faire 5 ans cette semaine que James Yancey, a.k.a. Jay Dilla, a.k.a. JD, malheureusement, qui a succombé d'une maladie très rare du lupus. Et puis bon. Je crois que c'est un des rappeurs/producteurs qui a influencé tellement de gens. Et puis bon, c'était vraiment une légende. Le mot est vraiment bien utilisé ici. Donc, je croyais que c'était important qu'on puisse rendre hommage à Jay Dilla, qui aurait eu, 37 ans ce lundi. OK. Et puis bon, malheureusement, il est décédé en 2006. Et puis c'était 3 jours après son anniversaire, son 32e anniversaire. Donc, qu'est-ce que j'ai concocté à date? Vous avez entendu un petit instru juste avant qu'on rentre en onde. Sinon, par la suite, je pense que c'est important de souligner les gros hits que Jay Dilla a produits. Et il y en a plusieurs. C'était difficile de choisir pour qu'il y en ait que pour les premières 25 minutes. Mais bon, j'ai décidé d'y aller avec Common, The Light. Je pense cool que c'est un des tracks qui a catapulté Common dans le mainstream. Si c'est pas la tracks. Ensuite, Slum Village, qui était le groupe fort à Jay Dilla avec T-Tree et Batin. Donc, on va retourner en arrière avec un old school I Don't Know et avec la participation de Jazzy Jeff. Ensuite, une autre track qui a vraiment marqué un groupe, c'est De La Soul et c'est la pièce Stakes Is High du même album. Ce track-là, à l'époque, c'était incroyable. Et puis bon, c'est Jay Dilla qui a produit ce son-là aussi. Et on va bon terminer ce premier bloc avec, je crois que c'est selon moi la plus grosse track que Jay Dilla aurait faite. C'est The Far Sides avec Runnin'. C'est un classique qui s'écoute toujours aussi bien aujourd'hui. Donc, on va starter avec ça. Ça va être entrecoupé de quelques petits instrus de Jay Dilla, donc des donuts... Pages, il y a tellement de matériel, le gars. M-O-N-G. Tu comprends ce qui se passe? Donc, un petit hommage pour débuter à Jay Dilla. Sur CISM, la marge. Yeah. never do a la, la, la, a la like this. Gotta be something for me to write this. Queen, I ain't seen you in a minute. Wrote this letter and finally decide to send it. Signed, sealed, delivered for us to grow together. Love has no limit, let's spin a slow forever. I know your heart is weathered by what studs did to you. I ain't gon' start them cause I probably did it too. Because of you feelings I handle with care. Some niggas recognize your life but they can't handle the glare. You know I ain't the type to walk around with matching shirts. A relationship is effort, I will match your work. I wanna be the one to make you happiest and hurt you the most. They say the end is near, it's important that we close to the most high. Regardless of what happened on him, let's rely. Yeah. Second. It's important we communicate and tune the fate of this union to the right pitch. I never call you my bitch or even my boo. There's so much in the name and so much more in you. Few understand the union of woman and man. It's sex and a tingle is where they assuming it land. But that's fly by night for you in the sky right. During these cold shy nights, moon, you my light. If heaven had a height, you would be that tall. Ghetto to coffee shop, if I see that all. Let's stick to understanding and we won't fall. For better or worse times, I hope to me you call. So I pray every day more than anything. Friends will stay as we begin to lay this foundation for a family. Love ain't simple, why can't it be anything worth having you work at annually? Granted, we've known each other for some time. It don't take a whole day to recognize sunshine. Second, it's kind of fresh, you listen to more than hip-hop. And I can catch you in the mix from beauty to thrift shop. Plus you shit-pop when it's time to. Thinking you fresh, suggesting beats I should rhyme to. At times when I'm lost, I try to find you. You know to give me space when it's time to. My heart's dictionary defines you. It's love and happiness. Truthfully, it's hard trying to practice abstinence. The time we committed love, it was real good. Had to be for me to arrive, and it still feel good. I know the sex ain't gon' keep you, but as my equal, it's how I must treat you. As my reflection, the light, I'ma lead you. And whatever's right, I'ma feed you. Yo, I tell you the rest when I see you. Peace. Niggas that used to play for money and no type of acting funky. With me, and best believe that you won't do it. I'm influenced to like, you know, and then I pick up the phone, shit, I don't know. She wants my cash flow, says my loot is usual, my dad says it's him too. To all my ladies in the place, I mean your whole crew is like, yeah. You know the S is my crew, we bro, man, you know. We got a whole flock of niggas with locks, you know. But I don't know why I'm fucking with you. I don't know why the fuck I'm fucking with you. I don't know why the fuck I'm fucking with you. I don't know why the fuck I'm fucking with you. I don't know why the fuck I'm fucking with you. You, it's like, you know you're scandalous as hell. Yeah, I can tell from your nails to the Chanel. Say, whatever you do it, you doing it well. You're trying my man RL too. Wait, so you should do the things you do, but you constantly do. Also, you love to. See, I'ma get with you so we can. And if you don't know, your shit is crucial. To all my people in the place, if you need to know, I got your enough to say, do my shit on the dance floor. And if you need to call me, you know, my number is 321-1788. Yo, yo, why I'm fucking with you? Love of cars, love of funds, love loving to love mad sex, loving to love guns, love for opposite, love for fame and wealth, love for the fact of no longer loving yourself, kid. We living in them days of the man-made ways where every aspect is vivid. Word. These brothers no longer talk shit. Hey, yo, these niggas living. About to give it to you 24/7 on the microphone. Plug one, translating the zone. No offense to a player, but yo, I don't play. And if you take offense, fuck it, got to be that way. JD Dub, show your love, what you got to say? I say G's and make the niggas out of high regard. And niggas dying for it nowadays ain't hard. Investing in fantasies and not God. What? Welcome to reality, see times is hard. People try to snatch the credit but can't claim the card. Showing out in videos saying they co-star. See shit like that'll make your mama cry. Better watch the way you spend it cause the stakes is high. You know them stakes is high when you're dealing with the man, them stakes is high. Check it. I think that smiling in public is against the law. What? Cause love don't get you through life no more. It's who you know and how you, son. And how you getting in and who the man holding you. And how was the skins and how high? Yo, what up, how? I heard you caught a body. Seem like every man and woman shared a life with John Gotti. But they ain't organized. Mixing crimes with life enzymes. Taking the big scout route and niggas no doubt. Better than they know they daughters and they sons. Yo, people go through pain and still don't gain positive contact. Just like my main man who got others cleaning up his physical and fluid. His mind got congested, he got the non-influent. Neighborhoods are now hoods, cause nobody's neighbors, just animals surviving with that animal behavior under eye. We'll be rhyming from dark to light sky. Experiment where needles and skin connect. No wonder where we live is called the projects. When the mistakes is high, you damn sure try to do anything to get the piece of the pie. Electrify, even die for the cash, but at last you be out, even though you're wanting more. Issue was closed like an elevator door, but soon we open once we get to the next floor. With the stakes is high. You know them stakes is high. We're dealing with the stakes is high. Stakes is high. Come on. You know what time to get out. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two. Check this out, check this out. And like the lip, for no reason at all, I can't recall. Throw a C's in my face, down the hall, I'm kicking it in the back of the school, eating chicken at 3. Wondering why is everybody always picking on me. I tried to talk and tell them, till I did nothing to deserve this. But when it didn't work, I wasn't scared, just real nervous and unprepared to deal with rapping, no doubt. My pappy never told me how to knock a out, but now in 95, I'm a survivor, a man on my own. Around with fat lip, yes, she get blown. I'm not trying to show no macho is shown, but when it's on, then it's on. Can't keep running away. Can't keep running away. Can't keep running away. Can't keep running away. Up on his own, can't depend on friends to help you in a squeeze, please. They got problems of their own. Therefore they count on seven chickens. Don't get to heaven till they face these fears and these fears on. Used to get jacked back up in high school. I played it cool just so some real won't get full blown. Being where I'm from, they let the smoke come quicker than an evil redneck killing to helpless color figure. And as a victim, I am feeling low key. Feel the keyhole itself got lower than me. So I stood up and let my free form for a free. Said I'm gonna get something before they knock it out me. I don't sweat it. I let the book blow with the breeze. In other words, just the freeze. Yeah. Can't keep running away.

go, Hobbs, go. Lundi au vendredi à 18h, Isabelle, Guillaume, Catherine et Laurence, Catherine et Isaève vous donnent rendez-vous pour une heure de palmarès sur les ondes de CISM 89.3 FM. Et écoutez le premier palmarès de la semaine, le char de marge avec Noémie, tous les dimanches de 18h à 20h. Du dimanche au vendredi, ne manquez pas les émissions palmarès de CISM. C'est ISM. Yeah. Yeah, yeah. Bon, on aime ça. C'est là que ça se passe. Et voilà, confirmé. Élaboré dans ses feuilles. Marie-Laure, Marie-Laure. C'est ça. C'est sur des ondes de voyons donc. Ah oui, la radio. Qui s'inspire des dieux grecs, qui fait sourire beaucoup, beaucoup. Selon moi, la meilleure. C'est ISM, la marge. Plein de bijoux là-dessus. Alors, ça va être du gros stock et de la programmation. Indéniablement infaillible. Le show le plus mort en ville se poursuit. Alors on monte le son, ça va être mental. Bonne écoute. Let's go. Le Festival Montréal en lumière illuminera la ville avec de grands noms de la musique d'ici et d'ailleurs. En février, voyez dans le cadre des arts financières Sun Life, le groupe déjanté de l'heure Mister Valère le 17 février. Le pianiste Yann Tiersen avec son nouvel album Dust Lane le 21. Les soirées dance au balcon, salsa, tango et swing. Et la nuit brésilienne avec Paulo Ramos le 26. Billets en vente maintenant sur admission.com. Une collaboration de La Presse et CISM. Montréal, sa grande région. Je vous invite toutes deux chaque lundi matin de 7h à 9h à écouter mon émission à moi, complètement réalisée par moi, Martin Roussy, et j'ai nommé Le Manchot. Humour, humeur, opinion, sortie de disque, revue de presse, météo-yo, imitation de Richard Martineau et le meilleur de la meilleure musique sont au rendez-vous sur les ondes de CISM 89.fm. Oublie pas, là, marque ça sur un petit papier au pire. Lundi matin, 7 à 9, CISM, Le Manchot. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Yeah. Oh yeah, de retour sur les ondes de Ghetto Érudit, c'est l'heure de la chronique cette semaine. La chronique tant attendue. Qu'est-ce qui se passe dans les rues de Montréal, Noëlla, cette semaine? Ben, en fait, il y a plein de choses qui se passent. Le Festival Montréal en lumière, la Nuit Blanche qui aura lieu très bientôt. On a également des soirées hommage à Jay Dela. Il y a également plein de choses pour pouvoir surveiller. C'est pas une grosse semaine. Mais on vous tient quand même au courant de ce qui se passe à Montréal. Ouais, pour ma part, ça va être bref. En fait, j'ai décidé de plugger plus de musique que de nouvelles cette semaine parce que c'est plutôt tranquille. Je vous parle de quelques concerts que Chubby va donner. Puis sinon, ben, j'ai quelques pièces pour vous. Puis bon, on va écourter la chronique ce soir parce qu'on a DJ Hark dans la place pour une émission spéciale. Place. Donc, on va bientôt... Hark va bientôt débarquer sur les ondes avec on lui laisse la plein place. De musique old school. Ça. Alors, ben, en fait, je commence en parlant du festival Montréal en lumière qui aura lieu cette année. En fait, dès le mois de février, on a le festival Montréal en lumière qui a lieu. Et le groupe Random Recipe se produira le vendredi 18 février prochain à partir de 21h30 à l'Astral. Et les billets sont en vente sur le ticketmaster.ca. Et le groupe Random Recipe qui a fait beaucoup parler de lui au courant des années de l'année 2010, qui fera parler de lui sûrement en 2011. Donc, c'est à surveiller. Et en fait, le Festival Montréal en lumière, à quoi on a donné le thème finalement, Femmes à l'honneur. Donc, c'est les filles qui seront mises de l'avant. Et en fait, c'est ça, on a la visite de tout plein d'artistes féminins. On en trouve Vanessa Paradis qui viendra à Montréal. Wow! Qui donnera une performance. On a tout plein de monde. Et en fait, il n'y a pas juste les femmes, il y a les hommes aussi. Et un groupe qui m'a quand même attiré l'attention, on parle ici de Wailers. Donc, quand on parle d'eux, on pense bien sûr à Bob Marley qui a fait partie de la première mouture. Alors, bien sûr, Bob Marley n'est plus là. Donc, en fait, ils seront là également lors du Festival Montréal en lumière, également le 28 février au Métropolis. Donc, vous essayerez de choisir. À la limite, vous pouvez toujours aller aux deux spectacles et ensuite faire un peu la part des choses. La et, grosse vie, hein? Oui, voilà. Et rapidement, quand on parle du Festival Montréal en lumière, on a en tête la Nuit Blanche qui aura lieu le samedi 26 février. Aussi, aussi. Avec tout plein d'activités dans les rues de Montréal, les métros qui seront ouverts plus tard. Et on a Poirier qui revient avec son Carnival en compagnie de d'autres DJ, soit Ghostbeard. On a également Festi et Bougat qui seront. On annonce aussi une troupe de danse brésilienne et des percussionnistes brésiliens qui seront là. Alors, ça se passe au Club Soda. Donc, la clique de ghetto érudit risque sûrement d'y être. L'équipe la plus mongue en ville. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Je vais en profiter. On va souhaiter bonne fête à Noël. Hein? C'est 48 heures. Et donc, oui. Les lignes sont ouvertes. 343-CISM pour faire vos vœux. C'est quoi, les gars? Je vous promets que c'est elle qui va répondre. Ah, ouais. Si on est en train d'écouter une chanson, c'est Noëlla qui va répondre ce soir spécialement pour que vous lui souhaitiez bonne fête. Mais c'est dans... C'est quoi, 19, 20 ans? Ouais, non, début vingtaine. Non, c'est pas vrai. Je suis plus vieille que ça, finalement. Mais dans 3 jours, ce sera ma fête. Mais bonne fête. Merci beaucoup. On voulait le souligner. C'est gentil, c'est gentil. Pour ma part, je vous parle de Chubby. Qui prépare la tournée Mon Monde. Il y a 2 dates à Montréal, donc le 11 février à l'Alizé et le 18 mars au El Jumelji sur Ontario, dans Hochelaga, en fait. Mm-hmm. Donc, allez faire un tour, Chubby, qui prépare un nouveau projet. D'ailleurs, j'ai un nouvel extrait à vous présenter de lui, justement, la pièce Mon Monde. Puis, on a aussi une pièce qui est sortie cette semaine, c'est Mauvais Acte, collaboration avec Yvon Crevé, qui s'appelle Rusique. Mais on va partir avec mon old school de la semaine. Un gars qu'on a reçu dans les studios dernièrement. Bon galé, là. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on a reçu une visite de Casey LMNOP dans les dernières semaines. Yes. Puis, écoute, la discussion était tellement intéressante qu'on a pas pu passer de musique de Casey parce que ça fut bref quand même. Puis on a préféré... On manquait un peu de temps. Puis, bref et intense quand même. Malgré, tout, j'avais passé la pièce la semaine suivante. Ouais. Mais ça me fait plaisir qu'on... On va la rejouer. Mais bon, on voulait surtout... il nous a donné tout un freestyle, donc ça a été un freestyle plutôt qu'une pièce. Ouais. Mais on va commencer avec un old school, vu qu'on est dans une émission old school aujourd'hui. Donc, Casey LMNOP avec Ta Gueule. Tu sais c'est quoi qui se passe, mon gars? Tu comprends? T'entends? Avant de commencer, je dis un peace aux filles puis aux partenaires, ensemble d'accueil. Foyer d'accueil, maison d'accueil. Puis en détention incarcérale, prison. Getman, n'importe quoi. J'espère qu'aujourd'hui la journée a pas été trop longue. Si oui, ben monte le son. Peace, je pense à vous autres. Puis j'oublie pas qui est qui, puis qui fait quoi et pourquoi. C'est comme ça, Casey LMNOP est là, toujours. Comme une bombe qui tombe, mortelle telle une tombe. Mon esprit surplombe, plonge, éponge. Avec mon souvenir de guerre au goût amer. Au résultat fatal, l'équipe Pierre Tombal. Peace à Montréal, mon cou en détention incarcérale. Rien a changé, je suis toujours aussi malade. Mais aujourd'hui je me sens mal d'avoir fait autant de mal. Mais man, c'est tellement dur quand t'es latinos, métis ou noir. La société te fait sentir tellement mal, que t'as mal. Puis tu fais mal, 14 pas normal. Bientôt on va porter des vestes anti-balles. Mais j'aurais aimé avoir une vie banale normale. Une bonne job, un bon salaire, une souffleuse pour l'hiver. Une grande maison rectangulaire avec un toit solaire qui filtre les rayons, qui éclaire la terre, qui réchauffe ma piscine hors terre, qui pile une toile solaire. À place, je me suis battu contre des fans d'Hitler. J'ai eu un casier judiciaire, puis mon cœur a déjà fait 9. Ga, ga, ga, ga, ga. Ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie. J'avais un ami qui se prenait pour un cahier. À moitié lucide, à moitié sur l'acide. Il se battait pour rien, sortait jamais sans Sam. Toujours prêt, frais, jamais calme. Si tu faisais un mauvais pas, il sortait son gun. Je l'ai vu sortir son magnum minimum 5 fois. Chaque fois, il se tournait pour le roi. Aïe, aïe, aïe, ok, si check ça. Aïe, aïe, aïe, check le gars, go rire. Mais un jour, blah, sans commande ni pourquoi, il est mort, 3 balles sans froid. Aujourd'hui, dis-moi, Thunder, qui est le roi, hein? Ta mère pleure, ton père se meurt. Toi, t'es mort, fini, parti. Puis ta blonde t'aime encore. Dis-moi, ça valait-tu la peine de vivre avec autant de haine? As-tu des remords, Thunder, maintenant que t'es mort? Ta gueule, puis ta vie, puis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Parfois, soir à l'école de regard, vêtu de noir, je regarde le miroir. Je pense à ceux qui sont morts, ceux qui avaient raison, ceux qui avaient tort, ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient forts, ceux qui ont flash avec un bang bang, ceux qui se sont hang damn peace, Josie, Jason, Cliff and Sam, pis peace à leur dame, leur famille et leur âme. Pis parfois, je pense que ça aurait pu être moi, pourquoi pas. C'est moi qui avais la grande gueule, pis qui parlait tout le temps fort, mais bon, j'suis pas encore mort. J'suis ici parmi mes amis, mes ennemis, pis j'en ris pas, parce que c'est pas donné à tout le monde de vivre ce genre de vie. Fait que si t'es pas prête à mourir aujourd'hui, change ton mode de vie, parce que tôt ou tard, pow, quelqu'un va prendre ta vie. Fait que ta gueule, vis ta vie, pis reste en vie. Voilà. Sans rien, faut gangster, man. Tôt ou tard, quelqu'un qui va blaster, man. Là, qu'est-ce que tu vas faire avec le chest ouvert, man? Hein? Tu vas être mort, man. Hein? Ta famille va s'ennuyer. Voilà. Ah, ta gueule, man. Et mon sein, ta gueule, vis ta vie, pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie, pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie, pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie, pis reste. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. C'est même que je filme là, style le même gars. Je te raconte pas d'histoire de film ou de manga. C'est ma vie que je vis, pas l'absent temps. Puis je compte bien la vivre ici encore dans 30 ans. Tant et aussi longtemps que je garderai le cap. Mon rap va être vrai, jamais passé date. Faudrait que je me batte pour ma place par mes mots, mes actes. Mais je veux juste planer comme dans le track de mauvais actes. Les gars disent que je change, j'suis plus comme dans le temps. Qu'est-ce que tu veux que je chante, j'peux pas faire semblant. Quand ça va bien, j'me prends pour Superman. J'me vois pas chialer comme une femme qui a ses SPM. Damn, vous devriez être content pour moi. À place, ça veut prendre ma place comme dans un tournoi. J'me pose pas de pourquoi, j'profite de chaque seconde. Y'a juste la mort qui va pouvoir m'enlever à mon monde. Personne va pouvoir débarquer puis changer mon monde. Que ce soit le pape du rap ou le père de ma blonde. Aucune arme va réussir à péter ma bulle. Je fais ce que je veux quand je veux, t'es-tu comme une mule? C'est vivre et laisser vivre quand tout va pour le mieux. Pourquoi faudrait que je me prive? Les gars ils veulent pas me voir heureux. Faudrait que je parle des pauvres, que la vie c'est long dur. Que les chèques rentrent toujours en même temps que les maudites factures. J'ai tout d'être positif, de tout laisser la marque derrière. J'ai pas vraiment changé, je prends toujours la vie par derrière. J'ai fait le parti hier, puis je compte leur faire à soi. J'ai pas le goût de chiller avec mon poignet, puis un fer rasoir. Tu peux dire aux propriétaires qui peuvent venir prendre ton chèque, que je vais étonner avec un sourire sans voir le chèque. J'ai l'impression que c'est les bleus, pis que les plantes sont vertes. Je reposais en paix, certes, mais pas comme Miss Disney, pas comme mon père, pas pour l'instant. Je vis la partie que je préfère, le moment présent. J'ai goût d'aller au bout des trous, même si la terre est ronde. Je ferai le tour, je m'en fous, bienvenue dans mon monde. Personne va pouvoir débarquer puis changer mon monde. Que ce soit le pape du rap ou le père de ma blonde. Aucune arme va réussir à péter ma bulle. Je fais ce que je veux quand je veux, t'es-tu comme une mule? Personne va pouvoir débarquer puis changer mon monde. Que ce soit le pape du rap ou le père de ma blonde. Aucune arme va réussir à péter ma bulle. Je fais ce que je veux quand je veux, t'es-tu comme une mule? Y'a toujours un jaloux qui est prêt à gâcher ton fun. C'est son trouble, je reste debout jusqu'à temps que mon heure sonne. Plus devant personne pis l'orgueil a rien à voir. C'est un gros je m'en crie, ce que je vous crie à soir. Personne va pouvoir débarquer puis changer mon monde. Que ce soit le pape du rap ou le père de ma blonde. Aucune arme va réussir à péter ma bulle. Je fais ce que je veux quand je veux, t'es-tu comme une mule? Y'a toujours un jaloux qui est prêt à gâcher ton fun. Son trou, je reste debout jusqu'à temps que mon heure sonne. Devant personne, pis l'orgueil a rien à voir. Bien et mal, ils vont crever. Mauvais acte, Rusé, Rusé. flic, c'est du R au code et pis t'as en cas. Si tu aimes jusqu'au A, des gars qui font pas d'accolade. C'est bon, font mauvais sac, David Overman. L'équipe est en place, c'est quoi de Burman. On est frais et cru, on fait de la zig de rue. Sur nous dépendés comme sur un site de cul. J'écoute ce qui sort, j'suis vite déçu. J'vois que le frais pris le bord, mais nous on prend dessus. Ouais, pas de doute sur la qualité. Alors écoute, c'est 10 ans d'amitié, 10 ans à traîner en crochet. Manger mes crochets, écrire des couplets, mais là j'veux la coupe à tout prix. Ok, j'suis tout prêt, j'remercie ceux qui supportent, puis ceux qui m'ont coaché. J'avertis, s'il y a du fuck, t'es mieux d'être de mon côté. On fait le poids comme une dame qui porte du gros dé. Trop chic, le son est fort, c'est du haut jusqu'au dé. R-U-Z-I-K, c'est le retour du vrai pop, mon gars. R-U-Z-I-K, mon fait ça, qu'ils vont crever, dis-leur qu'on est là. R-U-Z-I-K, la musique, c'est la musique des street soldats. R-U-Z-I-K, pourquoi tu frontes, homie? You don't know me. On shine dans la nuit comme un gun, chromé comme promis. J'ai pas de money, des valeurs, ça vaut beaucoup plus, plus. J'écris mes couplets, plaies pendant beaucoup ce juste un de plus, mais non le moindre. Accro, accra, accraigne pour atteindre ses rêves. Faut être motivé, fonce, fonce, moi j'y vais. Faut osciller, je réussirai avec l'aide de ceux qui me sont cherchés, qui sont rares, ceux que j'ai déjà pris, mon frère. Mais là j'arrive avec une équipe trop solide. Ce street, yo mon rap, ce gros bolide. Comme toujours, c'est une tuerie totale. Érudit, local, rue street, vocale. La vie est belle, belle de terre jusqu'au ciel, ciel. Les étincelles, celles du R jusqu'au ZZ. R-U-Z-I-K, c'est le retour du vrai pop, mon gars. R-U-Z-I-K, mauvais sac, ils vont crever, dis-leur qu'on est là. R-U-Z-I-K, la musique, c'est la musique des street soldats. Hey yo, c'est du coup de crasse, c'est du lourd, c'est des coups de masse. Rusé qu'on prend de la place, on les tasse. On les casse, on marche et on les dépasse. Les leaders passent, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. On fait des connexions, on frappe dans la même direction. C'est du gros calibre, c'est du standard de connexion. Mauvais actes font bon, c'est un signe de prédilection. Abusé, Nico, y'en a juste une version. Depuis mon premier mic check, one, two. Moi j'ai toujours cru, mais le monde y pensait que j'étais fou. C'est le retour du vrai pop, ça c'est pour vous. C'est pour la rue, c'est pour les jeunes comme nous. R-U-Z-I-K, c'est le retour du vrai pop, mon gars. R-U-Z-I-K, mauvais sac, ils vont crever, dis-leur qu'on est là. R-U-Z-I-K, la musique, c'est la musique des street soldats. R-U-Z-I-K, R-U-Z-I-K. Ils vont crever, mauvais acte, avec la pièce Ruzik, c'est une nouveauté. Juste avant, on a eu Chubby Pelletier avec Mon Monde, puis on a commencé le bloc avec un old school track, KCLMNOP, Tailleul, j'espère que vous avez apprécié. Puis sinon, je crois que l'émission est encore disponible en téléchargement ou en écoute sur le site de CISM. Donc, allez faire un tour CISM893.ca. Sinon, le mieux, c'est de s'abonner au podcast. Comme ça, t'es sûr d'avoir toutes les émissions antérieures, même si ça fait plus que 3-4 semaines. Puis on va le rappeler aux auditeurs, mais depuis une semaine, on a un site internet, ghettoerudit.com. Vous pouvez aller voir. Déjà, vous pouvez aller lire une petite news de Noëlla pour par rapport à Bougat, qui a une mixtape. Oui, voilà. La télécharger directement via le site. Peut-être spécifique, c'est la version bêta du site, donc le site est en train de s'améliorer. Oui, voilà. Mais bon, entre-temps, vous avez beaucoup de matériel, dont les meilleurs de l'année 2010. Il y a des critiques d'albums, dont deux nouvelles que j'ai faites hier. Le Chum, ainsi que Jazz. Donc, vous pourrez voir ça. Et puis, bon, au courant de la semaine, il devrait y avoir très certainement d'autres nouvelles de nos autres collaborateurs aussi qui vont se joindre à ce projet. Voilà. Alors, c'est à surveiller, aller faire un petit tour sur le ghettoerudit.com. Yeah. Enfin, je poursuis en vous parlant d'événements à surveiller. Dan nous a fait, en début d'émission, un set avec plein de tracks de Jay Dilla. Donc, il y a tout plein d'événements pour se commémorer sa carrière. Alors, en fait, le vendredi 11 février prochain, à la Galerie of the Hook, je vous avais annoncé un événement, en fait, qui avait eu lieu au consulat. Mais le consulat a fermé ses portes. Donc, on a déménagé l'événement au Of the Hook. Alors, on a appelé ça le Jay Dilla Day. Alors, ça aura lieu, donc, le vendredi 11 février prochain à partir de 22h avec les comme DJ Scott C et Similac. Donc, c'est 5$ à la porte. Et plein de tracks de Jay Dilla. Vraiment, je pense que c'est un artiste qui a marqué beaucoup les gens, ceux qui font de la musique, tout amateur de hip-hop. Donc, ça sera à surveiller le vendredi 11 février prochain à la galerie Off The Hook. Et aussi, on a un événement, je pense, ce soir en lien avec Jay Dilla au House of Reggae. Donc, encore une fois, un spécial Jay Dilla pour souligner sa carrière ce soir. Et nous autres, on risque de se retrouver la clique de Ghetto Érudit à l'inspecteur épingle dans le cadre du Power des DJ de PES Play, donc qu'on a intitulé Montreal Loves Dilla. Donc je pense qu'on aime tous Jay Dilla. Alors on sera là à l'inspecteur épingle du au coin Saint-Denis du Lutte finalement à partir de 22h. Donc voilà, c'est à surveiller. Yeah. Rétrospective de sa carrière. Et chansons, en fait, plein de tracks de lui. Et on part en musique, on a DJ Earth dans la place et on est un peu dans un vibe old school, rap kev, tout ça. Tu nous as déterré quoi ce soir? Ouais, mais là, j'ai décidé de passer un track d'Attache Tatuque, en fait, de Garde et Tuque, de leur album Garde et Tuque, finalement. Et juste avant, on part avec l'artiste Karim Ouellet qui, cette semaine, sortait son album Météor. Son album Plume, mais on a la pièce Météor plutôt. Alors, bien sûr, c'est à l'émission Ghetto Érudit sur les ondes de CISM. Yeah. Mes petits chanteurs tout pétés menaçants sont là pour tout péter. Ceux qui ont tous pété des faussetés avec un bizarre d'accent. Mais avant tout, pour un idéal commun, un gros rap sale, Montréal, joie sale, porteur. La chance de faire notre musique de dégénérer, préférer, gratter nos paroles exagérées, complexes, une grosse crise de sale, authenticité infédérée. Je suis l'invité, H.A.I. K.A.I. aussi, investi pour tout hériter. H.A.I. K.A.I. aussi, cette fois-ci, tu ne peux rien éviter. Ni nos idées, ni notre identité, propriétaire de tout ce qu'on veut hésiter. Retourner mes idées, ça m'a pris un été pour tout starter avec la S.E.K.T. Qu'est-ce que t'as été quitté? Attache-toi à Gateway, la tempête qui fait commencer. Il y a tant d'autres tracks qu'on a tapés, vont taper. Pendant que t'as dans le téléphone, tous les mots. Ils vont jamais t'appeler, nos hits vont t'appeler. Ils nous ont qu'on reste à plis en plein hiver. T'enlèves tous tes habits, toutes tes habitudes. Dégoûté dans ton Walkman, les MC qui sont Walkman. Enlève ton foulard qu'on t'étouffe comme Paul Martin. J'attache ma vie parce que c'est la guerre. Territoire, MTL, année 2001, saison hiver. C'est sûr qu'on a pas commencé hier. Pas de mec, le rap va me faire fort, le gros salaire, salaire. Yeah. C'est facile de faire un fucking album, boss. Peut-être quand t'es sûr, tu garoches sur la première offre. Est-ce que des fois l'argent possède? Y'en a qui feraient presque n'importe quoi pour être célèbre ou sur des scènes obsèdes. Mais c'est pas en vente à mon âge que je succède. Franchement, en plus d'être effronté, AD est affranchi. On roule pas encore sur l'or, mais au moins c'est pas de l'argent blanchi. Le shit est stratégique, les textes sont réfléchis. Attends, indépendant, puis sans demander avis. Que ce soit en sous-groupe ou en solo, on grouille pas notre cul devant le gros lot. C'est l'énergie qu'on met dans nos stylos. La guerre des trucs, chacun son style, hein. Oh, indépendant. Tâche là-dessus, groupement d'artistes, pour ta spade contre des fardins. En manque de cravate qui font des rappers plein de talent, dépendant. Des vieilles mondes vendues, même si c'est pendant. Bonne tête, ça dépendant. Quel contrat, fais donc ce que tu voudras. Une chose est sûre, c'est que ceux qui le font signer, c'est des astidras. Ils font de l'ordre des dégâts, des gars. Ce qui risque comment ça sonne pourvu que ça pointe. Ils servent la musique, la transforme en bitch pour faire du flic. Ben dis-toi que ça s'avère qu'on est ici pour faire le contrat. Là, si tu caches le cul, on le prostitue, on le brûle, on le tue. On le met en arc de studio. On transforme en chef d'œuvre musicaux. Mets ça dans ta tête de gros. Prise de conscience, elle est de crise. Maximise la production de cellules grises armées pour accentuer l'emprise que j'ai sur les clauses comprises. Dans les pourparlers qui pourront libérer de leur banquise. La force cachée des cerveaux gelés qui ont cristallisé sur des frustrations non cicatrisées. Mais toute peau verte s'infecte. Puis quand la douleur affecte la relation entre la raison et les émotions, spare la notion de satisfaction. Activation d'un système de défense qui immunise. La liberté d'agir à sa guise devient une déficience humaine acquise qui nous amène à combler nos manques par des possessions. Fixation des intentions sur l'obtention de l'objet de nos désirs. Tout pour qu'empire le martyr de ceux qui sincèrement aspirent à réussir humblement, sans jamais se soumettre à plus offrant. Prêt à rester indépendant pour l'évolution au travers de la musique. Personnellement, je me place au premier rang des partisans de la révolution apocalyptique qui implique une destruction méthodique des préjugés que le monde en eux porte. Puis se révèle la vraie nature de l'énergie morte que le mouvement hip-hop trop souvent transporte. Yes, yes, la garde des tucs du défunt collectif Attache ta tuque. Et juste avant, on avait une nouvelle pièce de Karim Ouellette, Météore. Karim Ouellette aussi qui participe cette année au Francouvert. Donc, allez le voir, c'est le public qui vote. Vous avez du pouvoir dans cette compétition. Sincèrement, je pense que je parle pas à travers mon chapeau, mais j'ai beaucoup de confiance en Karim Ouellette pour cette année. Puis je suis persuadé qu'il va finir soit grand gagnant ou deuxième ou troisième. Puis il y a toutes sortes de prix, hein, des prix en argent, ouais, des bookings, c'est vraiment intéressant. Donc allez voir ça, Francouverte. Puis sinon, on poursuit l'émission, on a notre invité spécial dans la place. What's up, DJ Org, comment ça va? What's up, ça va bien, ça va bien. Écoute, t'es un vétéran de la scène locale, j'ai parcouru sur Internet, j'ai fait un peu de recherche à ton sujet, je suis tombé sur une de tes bios sur le site de Bande à Part. Puis bon, là-dessus, on nous disait que t'es dans la scène artistique depuis l'âge de 8 ans. Oui, effectivement. Donc, acteur, producteur, DJ, comment ça a commencé pour toi tout ça, là? Au début, c'est ça, tu collaborais à des téléséries, des trucs comme ça? Ben, à vrai dire, on va faire ça rapide. Dans le fond, moi, je suis allé à une école de musique, théâtre, artistique, l'école FACE, je sais pas s'il y en a qui connaissent, ça existe encore aujourd'hui. Ça m'a formé, je pourrais dire, à plein de niveaux. Jeu de théâtre, art plastique, musique, chorale. Puis éventuellement, je suis allé vers le jeu de la télévision parce que la vie m'a amené là. Mais tu sais, à l'âge que c'est arrivé comme 8 ans, tu choisis pas vraiment. Ouais, c'est ouais, ouais. À vrai dire, j'ai choisi la pile la plus douce de Downey. Puis là, ils m'ont mis dans l'annonce. Ça a commencé comme ça. Non, mais c'est comme ça que ça a commencé. Mais là, à un moment donné, honnêtement, tu sais, je suis devenu un adulte à travers tout ça. Puis j'ai décidé que ça allait pas être le chemin que ma vie allait prendre parce que pas que j'aimais pas ça, mais comme j'avais le goût d'essayer d'autres choses. Tu sais, à un moment donné, tu te réveilles à 16-17 ans dans la vie, puis la moitié de ta vie, c'est d'avoir travaillé, puis comme t'as le goût d'avoir une vie, t'as le goût d'essayer, t'as le goût d'apprendre des nouvelles choses. Puis la musique, ça m'a tout le temps fasciné. Fait que je suis allé vers la musique. Après ça, j'ai joué dans un groupe punk avec mes chums. Après ça, je me suis chicané avec mes chums. J'ai commencé à faire la musique tout seul avec un ordinateur. Plein de styles, puis en tout cas, éventuellement, c'est allé plus vers le hip-hop. OK. Ça, on parle de quelle année, ça? La transition entre le rock puis le hip-hop, c'est, je te dirais, début des années 90, t'sais. Mais déjà, là, quand j'étais dans mon groupe punk, j'écoutais beaucoup d'hip-hop. T'sais, j'ai tout le temps écouté du hip-hop, mais... me dire, dans les années 90, faire du hip-hop, là, fallait vraiment que tu sois comme un peu... C'était même pas comme envisageable, parce que honnêtement, on n'avait aucune idée de comment que ça se faisait. Puis, il n'y avait pas de... Comment je pourrais dire? Il n'y a pas d'exemple qui... Tu sais, scratcher, j'ai commencé à scratcher le jour où mon ami, il m'a dit que lui, il scratchait, puis je l'ai vu faire. Puis, j'ai dit comme... T'sais, moi aussi, mais on n'avait pas de vrai DJ qu'on pouvait s'inspirer. Puis honnêtement, t'sais, c'était comme, fallait tout... Puis il n'y avait pas Internet. Ouais. C'est con, là, mais il n'y avait pas Internet. Fait que c'était comme, t'écoutais une cassette de rap, tu faisais rewind pour écouter tout le temps le petit bout de scratch, puis tu le mémorisais, puis tu le recréais. Puis éventuellement, ça a fait en sorte que les rappers ont fait en sorte que j'ai commencé à faire des beats pour eux. Parce que quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était pas nécessairement pour des rappers. C'était comme des beats je te dirais DJ Food, je sais pas si vous connaissez ça, Dr. Octagon, tu sais, entre le trip-hop. Très expérimental. Ben c'était l'époque, hein, tu sais, je veux dire, c'était, les samplers venaient d'être inventés, puis ça ouvrait plein de nouvelles portes. Puis toi, t'écoutais quoi dans cette période-là au niveau du hip-hop? Ben, à vrai dire, moi, j'ai commencé à être DJ à travers ça, fait que c'est sûr que... à vrai dire, j'ai pas très été original dans ces années, dans ces années-là. J'écoutais probablement ce que tout le monde écoutait. House of Pain, Cypress Hill, Funky Dubious, Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg. Et après ça, Wu-Tang est arrivé, La Révolution. Puis on s'est écouté tous leurs albums. Puis Mobb Deep, t'sais, Busta Rhymes. Je veux dire, j'étais DJ. Puis à l'époque, ça, ce qui était le fun, c'est que le DJ choisissait qu'est-ce qu'il jouait. Puis ça s'adonnait que ce que j'aimais, c'est ce qui était comme bon puis qui pognait dans le temps. Fait que ça, c'était les belles années, tu sais. Là, après ça, années 98, 99, le hip-hop s'est mis comme... Moi, j'appelle ça, il y a eu plusieurs branches qui se sont faites. Jiggy, Crunk, Dirty South, tu sais, je veux dire, ça a vraiment éclaté. Puis, point de vue DJ, je trouvais comme, tu sais, c'était plus... je me reconnaissais moins. Mettons, je jouais plus ce que j'aimais, tu comprends? Je faisais la job, je jouais ce que le monde me demandait, puis c'était aussi l'époque où ce que avoir des vinyles, c'était plus un must, là, comme un DJ, là, parce qu'il y avait les MP3, les CD, puis moi, j'avais tellement investi dans ma collection de vinyles que je peux pas croire que, tu sais... T'en as combien à ce jour? Ah, de vinyles hip-hop, peut-être comme... 1000 kek, peut-être comme 1200, 1300. Ça paraît pas tant que ça, mais dans le fond, c'est tout des vinyles que j'ai acheté à 10 pieds à chaque. Là, mais des vinyles en général? Peut-être 5000, parce qu'il y a beaucoup de crap, entre guillemets, comme pour sampler. Mais aussi, tu sais, je me suis monté des collections à travers ça, parce que tu finis par racheter des fonds de batch. Fait que, tu sais, il y a comme plein. Tu sais, j'ai du québécois, là. Je suis rendu avec, je sais pas, peut-être 510 de musique québécoise. Pas tout 500 bon. Vinyles? Ouais, c'est pas tout bon, là. Mais, tu sais, je veux dire, je suis un curieux aussi. Je suis un collectionneur. C'est un genre de MC Gilles aussi, il y a des affaires que tu sais, je vais jamais sampler, je vais jamais spinner ça. Juste mais comme, pour le fait de l'avoir. Au chalet, là, le dimanche matin, là, ça s'écoute bien. Mais vous déterrez des trucs, tu sais, vous êtes des chercheurs. Bon, ouais, puis tu sais, je dis pas qu'il n'y aura pas de quoi à faire à m'emmener avec ça non plus. Je suis quand même un gars ouvert à faire des expérimentations dans la musique. Là. Donc au début, tu faisais beaucoup de soirées, si je comprends bien. T'as sûrement été DJ dans la majorité des clubs en ville. Ben, là, peut-être pas. Là. J'ai lâché ça vite, mais tu sais, oui, effectivement, là je te dirais... Ben, à vrai dire, au début, ce qui m'a mis dans la scène hip-hop, c'était le graffiti. Là, okay. Avant même d'être DJ, là, comme j'ai tagué pendant des années, puis comme la scène des taggers, on se connaissait tout un peu, puis on était un peu les mêmes, qui c'était pas mal la même gang. Puis après ça, on s'est mis... j'ai parti des soirées au Purple Haze, qui était les dimanches hip-hop. Ça, c'est 95, 96 environ. Puis je te dirais, tu sais, Cerveau, la première fois que je l'ai vu, c'était là. Bon, je faisais des open mics. C'était comme les premiers open mics en français. En tout cas, ben il y en avait d'autres, mais tu sais, il y en avait pas beaucoup. Puis c'est moi, Vulgaire, Cerveau, c'est la première fois que je les ai vus. Seba, tu sais, je sais pas si vous savez, le gars de Gatineau, ben comme première fois qu'on l'a vu, c'était là. Cédric, tu sais, dans le fond, Cédric, c'est dans ce temps-là que je l'ai connu à mes soirées. Fait que, tu sais, je te dirais qu'il y a un noyau de la rap scene qui s'est créé là, une partie, en tout cas, puis les soirées pop, ben après ça, moi, après un an ou deux, j'ai laissé tomber ça. J'ai mixé dans d'autres places par après, mais c'était plus le même, nécessairement, c'était plus la même dynamique aussi. Toutes les autres clubs faisaient leur soirée pop, là. Fait que, tu sais, ça avait comme... Il y a eu une réaction en chaîne. Ouais, ben c'est ça, le hip-hop. Tu sais, en 95, le hip-hop, c'était encore extraterrestre. Là, c'était genre, tu cherchais... Tu voyais un flyers hip-hop dans la rue, puis, tu sais, comme tu le dépliais, puis tu le gardais précieusement. Tu sais, c'était vraiment ça, là. Là, après ça, ben, Internet, tu sais, comme tout a changé, là. Fin des années 90, là, comme ça, comme vraiment... c'est devenu commercial, puis là, tu sais, comme... Tu voyais des petits culs d'un cours d'école avec des t-shirts Wu-Tang, fait que là, tu te rendais compte que ça avait vraiment... C'était devenu une mode, là, tu sais. Ce phénomène-là, est-ce que toi, tu vois ça comme une bonne chose, ou tu le vois... Ben là, allez, j'étais jeune à l'époque, j'étais comme... Oh, tu sais, je chialais un peu, mais en même temps, tu sais... je sais pas, tu sais, je peux même pas faire confiance à mon jugement, tu sais, j'étais jeune, mais oui, c'est sûr que c'est une bonne chose dans la mesure que... T'sais, pour les artisans, c'est jamais une mauvaise chose. Ben, c'est ça, c'est jamais une mauvaise chose que le public s'élargisse. C'est sûr que c'est une autre époque. T'sais, dans ce temps-là, là, c'était hey, ça, mon ami m'a fait découvrir ce groupe de musique-là. Ce groupe de musique-là, c'est précieux. Puis c'est comme là quand tu voyais des ticounes entre guillemets qui arboraient, t'sais, comme moi, Cypress Hill, la première fois que j'ai vu des ticus, comme t'sais, qui avaient comme même pas l'âge de comprendre c'était quoi Cypress Hill. Là, t'sais, j'étais comme ça me faisait un clash. Mais en même temps, c'était la même chose quand on était jeune avec le rock. Puis probablement que dans le futur, c'est des cycles de la vie, ça. Mais c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je sais pas. Là, aujourd'hui, tu te retrouves à avoir ton propre studio, toujours en production. Tu fais toujours de la production pour plusieurs artistes. Ouais. T'es DJ officiel au niveau de 7e Ciel. On te voit beaucoup avec les artistes 7e Ciel. Ben, j'ai pas de titre officiel. Je pense que, tu sais, dans le fond, un DJ, il choisit le monde avec qui il travaille. Puis quand tu donnes un bon service. Ça fait des années, là. C'est ça. Ben, à vrai dire, je connais Jay là, depuis son premier album. C'est moi qui avais fait la réal là-dessus. Puis on est tout le temps restés amis. Tu sais, je veux dire, tu deviens pas ami nécessairement avec tout le monde avec qui tu travailles, mais avec lui, ça a fait en sorte de ça. Puis pour de vrai, tout le temps une bonne complicité. J'ai tout le temps aimé aussi sa manière de travailler. Tu sais, j'ai travaillé avec ben du monde dans le milieu depuis des années. Puis je veux pas critiquer, mais comme lui, j'ai jamais eu à me plaindre. Tu sais. Ouais. Puis je pense que moi, si j'ai jamais à me plaindre, puis que lui, il a jamais eu à se plaindre, ça veut dire que ça marche. Puis moi, dans mon livre, à moi, c'est un bon deal. Tu sais. Si je tire la couverte de mon bar, tu viendras pas me revoir. Si tu fais la même chose, mais tu sais, comme quand c'est fair pour les deux, mais ça fait comme un bon team. Puis c'est ça qu'on est en train de faire, je pense, avec 7e Ciel, c'est que tout le monde trouve sa place, tout le monde fait sa job, il n'y a pas de backstabbing, ouais. Tout le monde dans le respect. C'est une famille. Ouais, parce que dans un certain sens, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire de la bonne musique, tu sais. C'est pas mal rien que ça, le but. Fait qu'à partir du moment où tout le monde s'entend que c'est ça qui est important, peu importe le reste, ben, il n'y a pas de problème. Là. Ce soir, tu nous as préparé un bloc spécial. Ouais, ben écoute, j'ai ramassé dans mes vieilleries puis des choses plus récentes. Je vais peut-être essayer de faire un survol un peu là, des 15 dernières années, 16 dernières années. J'ai juste comme pour nommer quelques noms avant qu'on lance ton introduction. J'espère qu'on va pouvoir tout jouer. Ben écoute, évidemment, je vais essayer de jouer du Narcotique Sonore, qui est la première compilation que j'avais sortie ben, dans le fond. Ça fait 10 ans cette année. Ça fait 10 ans cette année. C'était Apatride Record qui avait sorti ça à l'époque. Cavalier Noir, qui est un groupe dans lequel j'ai été pendant une couple d'années aussi. Évidemment, des produits 7e Ciel, c'est clair, parce que je roule beaucoup avec eux autres depuis une couple d'années. Sinon, du Complice, parce que je sais pas s'il y en a qui ne savaient pas, mais j'ai été DJ de Complice de 96 à 99. Okay. Donc, j'étais bien impliqué là-dedans. Puis en tout cas, il y a aussi d'autres affaires, des projets personnels qui sont peut-être moins connus du public ou ce que moi, je rappe. Fait que si on a le temps, on va se rendre jusque-là. So, Dash, je crois qu'on est prêt pour lancer l'introduction. Ouais, ben on peut y aller avec un petit extrait, puis bon, on revient par la suite avec plein de surprises de la boîte magique à DJ Org. Donc, let's do this. Yes, envoie. Avis à la population. La brigade des stupéfiants de la Sûreté du Québec vient de déceler la présence d'un nouveau narcotique qui circulerait sous la forme de capsules auditives. Ce fléau émanant de la grande région métropolitaine se propage dangereusement à la grandeur du pays. Cette substance créerait un haut niveau d'addiction dès la première consommation. Le produit circulerait sous le nom de narcotique sonore chez les adeptes du hip-hop. C'est le vrai bombe lyrical. Que vois venir? C'est le vrai bombe lyrical. Je ne possédais rien et je pouvais vous dire une autre. Comme un Ghetto érudit.

Les villes, les banlieues, les quartiers, puis les maisons. Je veux bien des clones, des peuples. puis des cordons, de la lune choquée dans la lune grommelée, dans de sortieux décors d'une crèche se grappait. Ah oui, madame, oui, ma jolie, viens voir mon oncle avec tes amis. À l'écoute des préliminettes, Sarah G et Sarah H en direct de vos bobettes. Il fait chaud, ça sent bon. Oh, ce soir, on vous mange en musique. Tout de suite après un fabuleux épisode des Jus de la Passion, on vous propose de la musique sexy qui pourrait vous inciter à vous rapprocher soit de nous, soit du monde qui vous entoure. Allons-y. À tout de suite. Cette semaine, au jeu de la passion, une visite chez le psychologue, troisième partie, ultime partie. Dring, dring. Oui, allô? Bijou, c'est moi, tu dormais? Mais non, chérie, j'ai terminé de m'épiler la poitrine en écoutant de la musique soul. Très bien. Et toi, qu'as-tu fait de ta soirée? Oh, rien d'extraordinaire, j'ai peint un portrait de Bobby. Ça alors? Ça lui ressemble? Vraiment, je l'ai peint de dos. Ah bon? Alors Crystal, qu'est-ce que tu me voulais? Eh bien, je voulais qu'on en finisse avec ton rendez-vous chez le psychologue McGrain. Ah oui, où en étais-je déjà? Tu me racontais que le psychologue McGrain était très séduisant, qu'il était scout comme toi et que pour ne pas gâcher tes chances de sortir avec lui, même s'il est marié, eh bien tu lui avais inventé une histoire super sexy. Ah oui, voilà, c'est ça. Eh bien raconte. Eh bien, je lui ai dit que je souffrais de troubles de la personnalité. Quoi ? Oui, je lui ai dit que depuis ma tendre enfance, j'étais danseuse dans un club de Laval. Ta tendre enfance ? Mes bijoux, les enfants n'ont pas de sein. Oui, je sais, mais j'ai essayé de lui faire croire que ma poitrine s'était développée très tôt. Vraiment ? Et il a avalé ? Non, c'est moi qui ai avalé. Pardon ? Oui, enfin, je lui ai dit que mon nom de scène était Chantal Scandale et que lorsque je montais sur scène, les hommes devenaient fous et... Et quoi ? Et ils scandaient en chœur « Chantal Scandale, lève ton chandail !»« Chantal Scandale, lève ton chandail !» Mais encore ? Eh bien, cette mélodie l'a séduit. Oh. Et il a sorti son... Son badge. Mais non, Crystal, son pénis. Oh, bijou, c'est impressionnant. Je sais, j'ai pu le goûter. Mmh. Et ensuite, est-ce qu'il t'a refilé son numéro personnel ou... Non, non. Il m'a donné un autre rendez-vous et m'a refilé des cachets. Quel genre de cachets? Eh bien, des glucosurines, des bitadryl, de la pénicilline, du Ritalin. Oh. Et depuis, je me sens drôlement mieux. Ah, oh, dis donc, elles sont réglo, ces pilules? Eh bien, j'ai des sensations agréables dans le bas du ventre. Et ma pilosité ne fait qu'augmenter. Chouette. Dis donc, chérie, avec ce que m'a prescrit le docteur Schmisch la semaine dernière et ce que t'a prescrit le psychologue McGren cette semaine, on pourrait s'éclater ce soir. Oh oui, Crystal, rejoins-moi tout de suite. D'accord, j'arrive, bijou, j'arrive. Je t'attends. À tout de suite. Messieurs, la safety dance pour vous annoncer que c'était une fausse alarme et que Ghetto Érudit est de retour pour conclure la dernière demi-heure de l'émission. Donc voilà, dû à un comportement irresponsable de jeunes qui font du théâtre dans le bloc GA de Sèvres, malheureusement, ils ont allumé un extincteur au-dessus d'un détecteur. Voilà. On est tous en santé. Inquiétez-vous pas, tout va bien. Appelez pas le 911. Noëlla qui est un peu dépeigné. Mais sinon, tout est correct. Panique totale, retour de DJ Org qui est en train de préparer c'est son équipement pour nous faire entendre toutes sortes de trucs. Donc, on repart l'intro, je crois. Non, on en repart avec une nouvelle tune. Qu'est-ce que tu vas nous faire jouer, Org? On va y aller avec... parce qu'évidemment, en 97, pour ceux qui le savent, j'ai fondé l'étiquette de disque Crossfade Record. Puis notre première apparition et notre seule, dans le fond, c'était Casey Combination. Donc, on va y aller avec ce classique. Introducing simple Luciano por favor and Spike that would affect tactics and a little bit of the psycho lyricist to your dome. comes the word of that knowledge from the east side. Chronique discourse shoot to the front, that's my crew. The Asian barber for attraction, voodoo. It's something magic and tragic just comes through. My call is science fictional. Every hand in my all the reason, all this fact. All means on my back, don't mess with the track. You just flew like that. We prepare all of you, my sucker's gonna be trapped. I won't give you no switch, I'll teach you the lesson how to use the brainstorming when your situation's failing. It's all about time to open the gates. No prayer if you want to trick up bitches, don't know. This paper switching if you want to trick up Casey to love. We've been and fix it, yo. Ayo, ayo. Check it out with the flow. Wait a minute, wait. We got to let you know how much we give the buster on this micro. What a 97. Casey, man, don't you know? The mental judo to paint it on my zone. That's a freaky strange story. You know they stop off moving when you smoke a bit weeder than you think you James Bond. Yes, Casey Combination Org, ça date de quelle année ça déjà? Ça c'était 97. Sick, sérieux. Les gars, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Par après, ils ont sorti un autre album qui était plus avec Crossfade Records. Dans le fond, moi, j'avais comme fait faillite, si on veut. Là. Okay. Le label. Puis eux, ils ont sorti avec un autre label. Je me souviens plus avec qui. Puis ça me semble, ça avait comme bien marché. Il y avait un bon coverage. Bande à part qui venait de sortir avait fait un coverage. Puis okay. Par après, honnêtement, je les ai pas vraiment revus. Là. Puis sinon, Org, dans les dernières années, on te. Ben, ça fait déjà quand même la Ligue d'improvisation hip-hop du Québec, c'était quelle année ça? Et là, on 2005, remonte. Hein? Ouais, ben là, on remonte. 2005, c'était la fin du projet, mais ça a commencé en 2003. Okay. À vrai dire, ça, la LIHQ, c'était supposé être une émission de TV pour Musique Plus. Dans le fond, on a fait un pilote, puis tout, ils nous ont payé un pilote. Grosse affaire. D'ailleurs, je pense bien que je vais finir par le mettre sur YouTube. Ouais, mais avant, on va le visionner ensemble avant. Ouais. Puis, ça a été super bien pour de vrai. Ça aurait dû être en ondes, sauf que Musique Plus, ils ont tout le temps privilégié de faire du profit. Dans le fond, c'est normal. Ouais. Hein, c'est une compagnie mercantile. Puis, il y avait le choix entre Louis-José Hood du seul, donc un caméra, un gars, puis genre 100 000 de code d'écoute. Ou nous autres, qui était comme une méga production avec genre 8 rappers, un DJ, du public, du live, ouais. Des décors. Tu sais, c'était dans ce cas, ça coûtait genre 50 fois l'affaire de Louis-José Hood, puis il n'y avait aucun gage de succès. Fait qu'ils l'ont jamais fait, finalement. Puis ça a fini par faire une série de spectacles qu'on a fait en 2005 à la SAT. Oui. Puis ça a été super bon. C'est juste que ça n'a jamais mené plus loin que ça parce que c'était peut-être trop gros pour nous qui étaient. Dans le fond, on était tous des artisans. Hein, ça aurait pris peut-être une tête plus dirigeante là-dedans, mais. C'était un gros projet. Je me souviens, c'était des équipes de rappeurs anglophones, francophones. Il y avait des break dancers dans chaque équipe aussi. Il y avait combien de teams dans cette ligue-là? On a fait 4 teams pour la ligue, dans le fond, en 2005. Il y avait 4 teams. C'était des marques de linge. Il y avait Drunken Monkey, Evidence, les autres, je me souviens plus trop. Écoute, ça fait déjà un petit bout. Genre Triple Five Soul. Ouais, puis, ouais. C'est ça. Puis, écoute, pour de vrai, ça a donné... Je te dirais, moi, de mon point de vue, là, ça l'a mis en place un petit peu ce qu'on est en train de voir avec les Word Up et les 11 Checks. Pour de vrai, ça l'a comme posé les bases. D'ailleurs, tu sais, Filigrane était comme quand même assez souvent dans ces événements-là. Puis je me souviens qu'à la finale de la Ligue, la LIHQ en 2005, il y avait un concours de freestyle avant. Ouais. Puis Filigrane est allé, puis il avait gagné. T'sais. C'était des gros shows, pour vrai. J'avais couvert ça à l'époque de broadbeat.ca. Je pense même qu'on avait fait une diffusion sur Internet de oui, ces événements-là. Oui, vous aviez fait un... D'ailleurs, tu sais-tu, ça existe encore, le DVD de cette soirée-là? Parce wow, que je vais m'informer pour toi. Hein, ça serait cœur. Parce que moi, je l'ai eu l'espace de 24 heures. Quelqu'un venait chercher, il n'avait besoin, je ne l'ai jamais revu. Je vais m'informer, mais bon, sinon, tu as des extraits exclusifs de cette époque-là. Oui, quelque chose que j'ai jamais joué en radio. Ouais, ouais, pour de vrai, écoute, il y en a plusieurs, mais écoute, je pense que je vais y aller avec. J'aimerais ça. Écoute, il y en a plein. Il y en a que c'est des combats, c'est toutes les MC, mais c'est parce qu'il y a vraiment, il y a quelque chose qui n'a jamais été revu par après. Ce soir, on a du temps, là. Fait que, tu sais, là, il y a eu quelques événements impromptus, mais là, on se gâte, là. Fait que... OK, mais écoute, le premier que je vais vous jouer, je vous explique le jeu rapidement. Le jeu, ça s'appelait Schizo, OK? Schizo, c'était Le MC fait comme deux personnalités dans le même rap, OK? Il devait changer sa voix, puis il devait incarner les deux personnalités. Tout ça en freestyle. Il y avait à peu près 15 secondes de réflexion. C'est Rugged Intellect qu'il fait en anglais. Il interprète comment on pourrait dire, un thérapeute puis un patient. Freestyle, c'est incroyable. Même en Riddin, là, j'y donnerais 10 sur 10. Fait que je vous fais jouer ça, puis c'est live, là. On envoie ça. Oh, excusez. Doctor, I'm under deep depression. Please tell me, do you have any suggestions? Oh man, I'm so sick of popping pills. I want to listen to tunes like Lauryn Hill. Man, instead of lighting your cannabis, I prescribe some type of psychoanalysis. For real, man, you comfortable with the boys. I will analyze you one time like I was Sigmund Freud. Oh, my girl left me, I wanna kill myself, I'm suicidal. Yo, I even read the Jewish Bible. Light candles on menorahs, but yo, I'm going crazy. Please try to save my aura. Man, it's like you a straight, crazy classic. I'll put you in a straight jacket. You got some mental problems, you need some restitution. Cause yo, real treatment is the only real solution. Please, you gotta help me, I'll pay you $30 an hour. This craziness got me devoured. I feel like a coward, I feel like the victims of September 11th when they dropped the towers. Yo, don't worry, I'ma help you. You're not cheap, so yo, I'm not gonna melt you. I'ma charge you a nice price just to help your health. For real, man, forget about the wealth. Sérieux, hein? Gros freestyler, sérieux, Rugged Intellect. D'ailleurs, on s'ennuie ce gars-là. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Il avait des gros projets. Mais bon, en freestyle, c'était une bête. Puis, je crois que tu as quelque chose d'autre à nous montrer de la LIHQ. Ben ouais, rapidement, écoute, je peux pas passer un petit bout des combats. Les combats, c'était toutes les MC contre toutes les MC. C'était mon jeu préféré. À coup de 4 bars, à coup de 10, avec les breakers qui faisaient une figure de style à chaque line. Fait que, écoute, je me souviens pas exactement c'est qui est exactement dans ce combat-là, mais je suis pas mal sûr qu'il y a du dramatique puis du Maybe Watson. Wow. Vous pourrez sûrement reconnaître les noms, j'imagine aussi. Ouais, ouais, ça peut quasiment être un quiz, là, si vous l'appelez. Hey yo, check il y gueule, nos bars, y'ont de l'eau dans les culottes. Ils ont besoin d'une bouilloire ou d'une bouillotte. Sont tellement poches, hey yo, agree, APY, PUH. Toutes ces gars-là, y'ont des couilles molles. Yo man, check comment mon b-boy sort des rôles. Eux autres sont wack, ils s'occupent même pas de la foule. Oh man, lui est capable de toucher, mais on choke pas. Regarde comment on est fat, le petit gars-là sont juste pas. You's a fake gangster, I make you spin around like my damn break dancer. For real, yo, they say lows is lame. But half the cats will say that. J'ai l'impression quand il chante, il me tourmente. Hey yo, il cheux qui fait pas sa table tournante. La juste ici, yeah. Hey yo, il est tellement nerveux. Le système nerveux, mystérieux. Je pense que t'as été un peu bad. Et c'est wack. Oh, il faut me réanimer, ça c'est la réalité. J'ai habité, y'a pénalité. Yo, let me spin it fast, it's my turn. The beat boy, kick your ass. Hey yo, I'll flip this fast. It's dangerous, how we gon' do this? Holding it down, plus my b-boy gon' jump. Yo, lui, man, on comprend pas rien de ses mots. En plus, on clair, même qu'il n'y a pas de flow. Yo, check it out, comment ton équipe font dur. Puis regarde-moi comment je chill sur ma monture. Hey, yo, low, keep thinking you swift punk. Cause on the mic, you sound like nothing less than a chipmunk. So get some proper baritone. Step in the battle, I'll take your ass out like a chaperone. Yo, quand les thèmes s'y rentrent, moi, je les tourmente. J'arrive ici avec mon b-boy et jamais je mens. Hey, yo, c'est dément, regarde les tournées démentielles. On dirait qu'arrive et son vol est dans le ciel. On le sait que les MC, je vengerai mon team soutien. Hey yo, come on the bro, watch one team, yo. Quand y'arrive de bro, yo. Ok, yo, rapide. OK, on y va en ordre. Moi, j'ai reconnu Maybe Watson. Dramatique. Thérapiste. Wiser. Low Pesci. Rugged Intellect, si je ne me trompe pas. Shit, vous les avez toutes nommées. Il nous en manque ça, non? Il nous en manque pas. Je pense pas. Il y en avait deux. Watson, Dramatique, qui était dans une équipe. Thérapiste, puis Wiser dans l'autre équipe. Puis il y avait un Anglais de chaque équipe, Rugged Intellect puis Lowe's. Ça, ça a genre jamais joué nulle part, à part ceux qui étaient là, qui vraiment, non, qui ont une mémoire photographique. Vraiment, puis tu sais, on était niaiseux parce qu'on a fait, on faisait une séance de répétition par semaine, fois 3 ans, fait qu'on a à peu près fait 150. On n'a jamais rien enregistré. C'est comme, il y a eu des bijoux de freestyle qui ont été comme, ils ont été lancés dans les airs, ils ont été appréciés puis ils sont disparus. Qui t'a le marqué le plus dans cet événement-là? Genre, c'était qui ta révélation en sortant de là? Vraiment, vraiment Thérapiste. Ouais. T'sais, Rugged Intellect était impressionnant, mais c'était comme, t'sais, c'était le, tout le monde le savait à Montréal. Là. Son nom circulait partout. Là. Thérapiste sortait de nulle part, personne ne le connaissait. C'est comme un MC là, de Pointe-aux-Trembles. Puis que, genre, lui, il avait une fiche parfaite. Il n'a jamais perdu un match. Il a jamais perdu une... Dès qu'il embarquait dans comme faire une joute pour la Ligue, il gagnait tout le temps. Sure. Fait que, t'sais, c'est une fiche parfaite, là. D'ailleurs, il ne rappe plus aujourd'hui, c'est un petit peu triste, mais il a accroché ça, ses, son micro en gardant son sa fiche parfaite. Ouais, ben c'est ça, ben, je veux dire, ouais, exactement. Mais bon, Ligue d'improvisation hip-hop en 2011, c'est quelque chose qui s'en vient pour Montréal à surveiller dans les prochains mois, un retour. Sinon, on part à quelle époque, Org? Eh ben écoute, on peut continuer le survol, dans le fond, fait que Complice, Casey Combination, c'est pas mal le début, c'est ça qui m'a mis sa map. Après ça, j'ai travaillé beaucoup, bon, un bout avec Vice Versa, on a fait une compilation qui était sortie en France. Malheureusement, j'ai pas cette track-là avec moi. Après ça, Narcotique Sonore, après ça, Cavalier Noir, écoutez, ça c'est un petit peu arrivé comme je l'avais pas vu venir, mais c'est des gars qui m'ont approché. Au début, c'était des scratch, après ça, c'était des beats, après ça, c'est comme, tu sais, tu es notre DJ, puis moi, ça a connecté avec les gars. Moi, j'étais un ex-punk. Fait que, entre ex-punk, ça a vraiment connecté tout de suite. Puis finalement, je me suis retrouvé à rapper une toune sur CD, mais ça a donné que c'est comme la toune qui a pogné le plus sur ce disque-là. Puis ça a fait un vidéo, puis ça a joué à Musique Plus pendant comme quasiment 6 mois. Fait que je suis quand même fier. C'est la première track de rap que j'écrivais puis que je rappais. Puis ça vaut la peine de l'écouter, mais je sais pas si t'as-tu trouvé le CD. Si ouais, je l'ai. Fait qu'on écoute Vie de chien. Ça, c'était c'est écrit en 99. Sorti en 99, le vidéo sorti en 2000. Tu sais, j'ai l'impression d'être comme un chien battu quelquefois. Seulement un jour, je vais me mettre à mordre, c'est certain. Tu n'aurais pas déjà un peu commencé? Non. Non, j'ai pas vraiment commencé. J'ai juste un peu grogné. Oh, comme un chien. Mais tire à l'attention de personne. Indépendant et autonome, ma aucune sonne n'est juste si on ne remarque pas, c'est choque pas. Parce que dans la vie, soit on choisit, soit on subit, mon gars. Je suis un chien, un gérant. Qu'est-ce que le vagabond, aucun mec, je prends le vent. Seul élément qui est dans le courant. C'est peut-être pourquoi j'ai mis si longtemps que je prends les autres avenues des bas. Pas des crachènes trop hot, maintenant on est plus à l'air du rock. Nos jours, c'est le village de balle. On ferme sa gueule puis on avale. C'est une consommation aux allures impériales. Gouvernement, corruption, aux dimensions mondiales. Répartition des richesses de plus en plus inégales. Comment un chien tel que moi pour espérer prendre sa place dans un système qui ferait n'importe quoi pour des signes de pièces fondables. Moi je passe, fais-moi ta place, ou ben je danse. Je suis pas rendu ici pour retourner sa première case. Comme la plupart des chiens, je suis assez maltraité, sous-estimé. On prend généralement pour un demeuré, un illettré. De toute façon, je m'en fous, j'ai rien à prouver. Je travaille dur comme ça depuis maintenant 5 années. Comme dans un petit chien, certains me tendent la main. Même si trop souvent les autres me montrent le point. Nos jours, certains chiens sont mieux traités que la plupart des humains. Et c'est pour cette raison que j'ai pas peur des chiens. Comme le loup, mon cousin, ayant l'esprit du renin. Traquant sans merci de la nuit au matin. Fais attention à mon bras, parce qu'il ne faut pas le tort. Car je te jure, mon gars, pour moi, les je vais le mort. Parce que je fais partie de la race des canins, ça c'est pas rien. Non. C'est des membres des chiens canadiens et des chiens de prédateurs. Dans fond dans le mar, qui attend l'heure d'envahir le secteur et faire taire toutes les fausses rumeurs. Le mal ou le bien, on suit plus souvent son instinct, on va et vient. S'adapte à qu'on veut, à nos besoins, suit son chemin. Sans crever de faim, barré, grenier, mort pour des miettes de pain. Qui sait de quoi sera fait demain. Peut-être que j'aurai sur un train pour aller au loin. De toute façon, c'est toujours le même refrain. J'suis né, j'ai grandi et j'vis comme un chien. Et si je suis carent sur niveau éducation, besoin d'explication, voilà la définition. un chien. C'est quelqu'un qui vient de la rue, un chien. C'est quelqu'un qui n'est pas reconnu, un chien. C'est quelqu'un qui crée son revenu, quelqu'un qui pensera à lui, peu importe les imprévus. Car free for all, c'est les madames, fuck l'église. Vive pas chez vous tous les riches avant qu'on vous dévalise. Trop tardé de manger, c'est grave des meufs pour souper. J'ai beau tout essayer, faut toujours tout recommencer. Des fois je te jure mon pote, je me croirais dans le jour de la marmotte. Venir au point départ, toujours les pieds dans les mêmes bottes. Comment faire pour se sortir de ce corridor sans porte? Aller chercher tous les autres, c'est le temps du révolte. Tout le monde ensemble, on va faire une émeute. Car les chiens comme les loups sont toujours bien plus forts qu'en meute. Le mal ou le bien, on suit plus souvent son instinct, on va et vient. S'adapte à qu'on veut, à nos besoins, suit son chemin. Sans crever de faim, barré, grenier, mort pour des miettes de pain. Qui sait de quoi sera fait demain? Peut-être que j'ouvrirai sur un train pour aller au loin. De toute façon, c'est toujours le même refrain. Cavalier Noir, on recule quand même de quelques années. Je me souviens, ce groupe-là avait eu quand même un gros buzz autour de eux. C'est au début des années 2000, c'est ça? Ouais, ça, cet album-là, c'est 99. Puis bon, justement, ça a lancé un peu ta carrière de rappeur. Bon, acteur, beatmaker, rappeur, DJ. T'as fait d'autres choses aussi. Il y a un personnage que t'as sorti au milieu des années 2000, je crois. C'était quoi un peu, c'était le projet autour de Rodrigo? Ouais, ben Rodrigo, ben écoute, ça a parti, tu sais, des fois, là, tu fais un délire, là, puis que ça reste, puis dans le fond, moi, j'ai fait un petit démo de moi qui rappe en début des années 2000, à peu près dans le temps là, de Vichien, puis il y avait comme quatre tunes sérieuses, là, genre mon nom de rapper, c'était le Calis, là, puis c'était comme un peu full sérieux, puis... J'avais une tune joke, c'était comme un freestyle d'à peu près 16 bars. J'étais « Hey yo, c'est moi, Rodrigo Tortilla, nanana ». C'était comme une joke pour de vrai. Sauf que c'est genre la tune que tout le monde me parlait là, sur mixtape. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit « Ah, mais on va en faire une deuxième ». Puis à chaque fois, c'était comme « Le monde aimait ça ». Fait que j'en ai fait une coupe, c'était jamais vraiment sérieux. Puis là, à un moment donné, j'ai comme mis ces quatre tunes-là dans ma tête, puis j'ai comme imaginé un monde... à travers ça, puis je me suis lancé. C'était un bout tout ce que j'avais pas ben de job, faut croire. Là. J'avais bien du temps à perdre. Je me suis inventé une histoire avec mon personnage, puis son ennemi, puis sa vie, puis finalement, j'ai fait comme un album de sa vie, tu sais, comme que la première chanson, c'est sa jeunesse, puis que la dernière chanson, c'est sa mort, puis que tout le reste de l'album, t'écoutes comme ses aventures, tu sais. Comme tu disais, c'est une bande dessinée audio. Une bande dessinée musicale, tu sais. Même je pensais sortir ça avec un petit livret, puis avec une petite bande dessinée, puis tout. Puis ce qui est arrivé, c'est que, ben dans le fond, c'est que c'est rien que drôle si tu vois le personnage, tu sais. Je veux dire, si tu dis comme ça, c'est Horky Rap, c'est comme pas drôle, tu sais. Fait que là, finalement, J'ai rencontré un gars que lui, c'est un illustrateur professionnel. Il fait des illustrations pour plein de compagnies, dans le fond, plein de projets. Puis là, il a illustré Rodrigo. Puis il était tellement beau qu'on s'est dit, il faut l'animer. Tu sais, il faut faire une vidéo animée. Puis là, on a fait un démo de tout ça qui a eu bien de comment je pourrais dire, ça a suscité bien de l'enthousiasme chez les boîtes d'animation. Puis tu sais, finalement, mon ami qui a une boîte de production, ils sont en train de monter, dans le fond, le projet pour que ça devienne une émission de télé. Cela dit, ça fait déjà une couple d'années, puis c'est comme un milieu encore plus fucké que la musique. Là, c'est, je veux dire, si la musique, c'est un milieu de requin où il faut être prêt à tout donner, ben imaginez que la télé, c'est 10 fois pire, parce que ça engage des montants encore plus astronomiques. Fait que, tu sais, ce projet-là, il dort, mais n'empêche que, tu sais, le CD existe, puis à travers ça, c'était quand même intéressant parce que je me suis pété un time, tu sais, j'ai fait une toune avec Annie Dufresne, puis j'ai fait une toune avec Ringo Rinfray, qui est le gars de Rocket Belles Oreilles, Bruno Landry, puis, tu sais, ça m'a amené... c'est là aussi, c'est le premier album que je réalisais de A à Z, que même si c'est un album qui n'est jamais sorti, je l'ai quand même liché. Il n'est pas mixé final, là, mais, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de travail... J'ai fait rentrer une section de cuivre, qui est donc saxophone, trompette, tuba, qui ont joué par-dessus tout l'album, qu'après ça, moi, j'ai édité pour que ça donne une espèce de fil conducteur à l'album, parce que c'est plein de beats de rap différents, mais là, avec les trompettes, sur chaque chanson, ça donne un genre de fil conducteur, puis en tout cas, c'était vraiment... Puis aussi, je l'ai écrit, cet album-là, pareil, de A à Z, fait que c'était un bon exercice... Peu importe ce que ça donnera comme résultat, le projet en tant que tel, c'était bon pour moi là, de passer à travers ça. Donc là, on a une exclusivité. En fait, on a pu découvrir Rodrigo, je crois, c'était sur une de tes mixtapes dans le passé. Donc ceux qui ont des trucs vraiment underground l'ont peut-être déjà entendu. Mais la pièce que tu nous as préparée ce soir, c'est vraiment un peu... C'est une exclusivité, finalement. Ouais, ben à vrai dire, c'était comme dans le temps là, que je pensais sortir le disque. Là, c'était un petit peu là, mon as dans ma manche. Là, c'était ma toune avec Bruno Landry là, que j'ai pas eu vraiment de misère à convaincre parce que tu suite quand il a entendu le concept puis la chanson, il était enthousiaste. Puis d'ailleurs, je le remercie encore parce que, tu sais, c'est pas tout le temps facile d'approcher des acteurs ou des artistes établis puis de leur demander une collaboration. Je pense que quand tu le fais d'une manière respectueuse, selon les normes de comment que ça se passe, puis que tu arrives avec du bon matériel, en général, tu peux t'attendre à ce que ça marche, mais tu sais, c'est jamais gagné. Là. C'est tout le temps, faut que tu les convainques, mais il y en a qui sont plus durs à convaincre que d'autres. Mais dans le cas de Bruno Landry, c'était comme... C'est devenu un peu mon ami, on pourra dire. Donc, Rodrigo a rencontré Ringo. Yeah. Puis, Rodrigo, exact. Puis, c'est dans quelle période de sa vie, là? C'est à un moment donné, Rodrigo. Ben, dans le fond, vite, là, Rodrigo, il vient d'un pays imaginaire, le Nuevo Rico. Puis, il était comme, comme je pourrais vous dire, c'est un révolutionnaire qui est comme haï du dictateur en pouvoir. Puis là, c'est comme son but, c'est de faire le tour de la Terre pour trouver des guerrieros puis des ressources pour comme faire connaître sa révolution. Puis finalement, à un moment donné, il arrive au Québec parce que, tu sais, on sait que la vie est bonne ici puis qu'on est gentil. Fait que là, il vient ici pour trouver des moyens. Mais finalement, il se rend compte qu'il peut faire du rap pour faire la promotion de son combat. Un peu comme Bob Marley, si on veut, tu sais, faire la révolution par la musique. Puis là, finalement, il se rend compte que le rap, c'est un milieu agréable, tellement qu'il en oublie sa cause, puis qu'il devient un rappeur dans le rap game québécois, qui essaie de percer grâce à son gérant impresario, Ringo Rinfray. D'accord. On se quitte avec ça sur les ondes de ghetto. Alors, merci c'est beaucoup. Alors, c'est moi, Ringo Rinfray. Alors, je vous ai préparé pour vous, mesdames. La seule femme dans la salle, à vrai dire, une petite chanson avec mon ami Rodrigo. Vas-y, Rogi. Rodrigo Ringo, la samba, les bras en haut et puis en bas. On tourne en rond et on fait deux pas. Chiquita, viens me voir, ne t'en fais pas. Rodrigo Ringo, la samba, les bras en haut et puis en bas. On tourne en rond et on fait deux pas. Chiquita, viens me voir, ne t'en fais pas. Chiquita, moi c'est Rodrigo. Bonsoir, mesdames, moi c'est Ringo. Je l'ai découvert dans une salle de il est devenu mon impresario. Mais moi bébé en plus d'être un dictateur, je suis quelqu'un s'assied avec un grand cœur. Dans une autre vie t'es sûrement un pasteur. Désolé Rodrigo, t'as oublié ton plaster. On va aller au Mexique dans ma villa. Voir si tu m'excites comme une vraie diva. Et tu vas t'allonger nous sur les divans. Et on passera un moment divin. Je viendrai de mes tournées provinciales, m'assister et m'offrir les salles paroissiales, ainsi que les compétitions de danse sociale. Et tout dans une ambiance glaciale. J'ai des bonnes intentions et de mauvaises fréquentations. Mais non, il y a erreur sur la personne. Donc, y a, oublie pas, j'ai toutes les connexions. Rodrigo Ringo, la samba, les bras en haut et puis en bas. On tourne en rond et on fait deux pas. Chiquita, viens me voir, ne t'en fais pas. Rodrigo Ringo, la samba, les bras en haut et puis en bas. On tourne en rond et on fait deux pas. Chiquita, viens me voir, ne t'en fais pas. Pour toi, je me t'aimerais plus beau chapeau. Je te ferai même bâtir un château. Je me ferai caricaturer par chapeau. Rache pas pépito, arrête les games cheapo. Mais je vais te servir qu'un si costaud. Espèce de petit polisson, je veux te faire barrer de toutes les auditions. Et si je te surprends à te redonner la partie de ton cachet, je vais perquisitionner. Le code de Gigo. tu m'achèterais un billet d'autobus en même temps? Il y a juste le rap éclair au poulet par Mediana de McDonald's pour vous faire cet effet. Je rap comme l'éclair, incapable de me taire. Je bourre plus à terre quand je bouffe un rap éclair. Et avec son fromage parmesan, sa sauce marinara et son poulet assaisonné pour seulement 1,99$, le rap éclair vous fera faire. Un clin d'œil à la caissière, je me commande un rap éclair. Son doux parfum d'outre-mer me fait voler dans les airs. Je dévore, j'en veux encore. Je dévore, j'en veux encore. Pour un temps limité dans les restaurants McDonald's participants. Pour faire de l'effet à peu de frais et pour la journée des entrepreneurs, Home Depot a engagé un rappeur. Professionnel entrepreneur, le 20 janvier, c'est l'heure. L'heure de souligner le fruit de votre labeur. C'est pour ça qu'Home Depot vous offre en promo 5% de rabais sur achat fait sur votre carte de crédit. Home Depot, et en plus vous pourriez gagner un camion Titan, édition 2010 de Nissan. Faire de l'effet à peu de frais avec Home Depot, c'est pour... Des conditions s'appliquent, mais y'a pas de panique, détails en magasin. Wow, j'ai quasiment le goût de manger un rap éclair. Sérieux, ce que vous venez d'entendre, c'est DJ Org, encore une fois, qui a aussi eu une carrière dans la publicité. T'en as-tu fait d'autres, des publicités? Ben, à vrai dire, je t'avais de trahir mon grand secret, mais je sais pas si pour ceux qui s'en souviennent, en 2004, quand McDo a changé de campagne publicitaire avec Justin Timberlake, puis que là, il y avait eu... Il y avait eu SP là-dedans. Il y avait eu SP, même, il y avait eu moi, tu sais. Sauf que moi, j'étais comme la... À vrai dire, l'agence de pub, il y avait ma voix, mais ça leur prenait une vedette. Puis là, fait que dans le fond, il avait pris SP parce que dans le fond, c'était lui la vedette du rap. Sauf que quand il rappait, c'était comme trop rugged. Fait que, parce que moi, j'avais compris à l'audition, il fallait que je rappe en souriant. Tu sais, c'est McDo, là. Ouais. J'avais eu le contrat, puis c'est, écoute, je ne mentirais pas que c'était un petit peu un pack avec le diable, mais. Dans le fond, on voyait SP, mais c'était ta voix qu'on. Non, on n'a jamais vu SP. Dans les annonces, on voyait, genre, je sais pas, des jeunes d'un parc, whatever. Puis là, c'était comme la toune de moi, puis SP. Puis un autre gars aussi, un troisième qui chantait R&B. Puis on avait été choisi par l'agence de publicité. Puis oui, c'était un peu un pack avec le diable parce que ça allait un petit peu à l'encontre de ma philosophie. Je me cacherais pas pour dire que McDo, c'est comme une multinationale un peu evil. Par contre, ils m'ont jamais fait dire le mot hamburger ou McDo. Tu comprends? Moi, je disais des paroles comme je pense à ma blonde, nanana, ou la caissière, ou rap éclair. Tu sais, tu comprends? Je veux dire. Ouais. Puis t'as eu un supply. Non. Non, j'ai pas eu de supply, puis je mange pas vraiment du McDo. Mais par contre, tu sais, c'était comme une belle vengeance comme par rapport à la vie. Tu sais, tu comprends? Je veux dire, pour moi, au début, de faire de la musique hip-hop et du rap, c'était comme un peu me tirer dans les jambes quand j'avais une carrière à la TV. Tu sais, je l'ai fait juste parce que moi, c'était ça que mon cœur me disait de faire, mais que d'une dizaine d'années après, revenir dans le milieu de la publicité, mais avec mes nouvelles armes que j'avais comme conquis moi-même, je sais pas, tu sais, c'était une vengeance personnelle face à ce milieu-là, que pas, ils ont été méchants avec moi, mais tu sais, moi, j'ai tourné le dos à ce milieu-là, puis j'ai décidé de faire du rap, puis j'étais comme, je l'ai perçu comme, je suis tellement bon que je suis revenu, tu sais. Même, je crois t'avoir vu dans une publicité télé aussi dans les dernières années où tu étais un DJ. Oui, tout à fait. Ben oui, dans les dernières années aussi, c'est ça, j'ai réussi à combiner les deux. J'ai fait pour la pub de le Centre des sciences de Montréal que je faisais un genre de scientifique qui scratchait la voix de l'annonceur. Après ça, j'ai fait dans une autre pub, c'était-tu une pub? Dans l'émission... Minuit le soir, à un moment donné, un des personnages, il va dans un concours de DJ, puis genre, c'est une fée DJ qui gagne, comme c'est une comédienne, mais moi, je fais l'autre DJ cabot. Mais tu sais, j'ai fait une couple de rôles comme ça, à un moment donné, dans une pub de bière, ils m'ont engagé parce que, dans le fond, j'étais vraiment un DJ, fait que j'allais pouvoir, en tout cas, tu sais, je sais pas si vous voyez un peu le topo, là, fait que, tu sais, j'ai réussi à combiner un petit peu les deux, puis c'était correct, à chaque fois, ça me faisait plaisir de retourner sur des plateaux, parce que tout le temps, agréable. Mais bon, c'était le fun de retourner par la porte d'à côté qui était celle du DJ. Là. Ou sinon, en real life, je sais que récemment, on m'avait pointé un extrait sur YouTube de ton passage à Bouche de là. Oui. Avec la abeille. Charmante Abeille qui demande trois fois « Est-ce que ça va? » Mais c'était fou parce que, tu sais, le gars, il fait jouer du gros gangster. À vrai dire, il jouait Group Home, Living Proof. Ouais, à Bouche de là. Puis je me souviens, tu sais, les gars, ils m'avaient appelé, ils disaient « On te veut à Bouche de là. » Puis j'étais « Ouais, mais tu sais, Bouche de là, c'est du dance. »« Ouais, non, mais tu sais, on est rap aussi. » Mais tu sais, dans le fond, pour eux autres, c'était, je sais pas, ils s'attendaient pas à ça. Moi, dans ce temps-là, c'était du vinyle. Hein. Fait que moi, j'arrivais avec mes vinyles. J'avais du Wu-Tang, du Biggie Small, j'avais du Group Home. Fait que du gangster. Fait elle que, a dû aimer ça pareil. Mais... Ouais, elle était down. Pour de vrai, tu sais, je la connaissais un peu dans le temps. Puis, tu sais, comme, c'était une chilleuse, là. Tu sais, elle en écoutait du rap. Puis, tu sais, elle faisait des graphs. Puis, elle se tenait avec du monde comme nous autres. Sauf que, tu sais, l'équipe de production. Puis, surtout, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, mes bouches de là, c'était surtout 50 personnes de la banlieue qui étaient tout fiers d'aller se trémousser devant la caméra. Qu'eux autres sont habitués de danser sur, Madonna, là. Puis, c'est genre. La bouche. Oui, c'est ça. Là, j'arrive avec Group Home, Live and Prove. Puis, je faisais des scratchs, pas dans l'extrait, je sais pas si on le voit, mais je fais des back-to-back, tu sais, des loops, là. When I be living proof, oui, living proof, living. Puis, j'étais comme pas super bon, là. C'était même pas. Je commençais, ça faisait comme 2 ans que j'étais DJ, là. Wow. Ah, c'était sinon, le... un truc qui a été marquant dans ta carrière, c'est la collaboration Another G, Raoul Duguay, le beat à Tibi. Ah, ça, écoute, man, je pourrais même te dire que, ben, d'un, comme j'en ai parlé tantôt, la rencontre avec. Avec un A2J, ça a quand même été... ça a été marquant. Ça a bien cliqué. Tu sais, j'avais rencontré plusieurs mondes dans le milieu avant, mais avec lui, ça a vraiment bien cliqué. Puis j'ai collaboré sur son premier disque, sur le deuxième aussi. Puis il était rendu à la fin de son deuxième disque. Puis bon, on avait parlé souvent. C'était comme le running gag. Puis là, moi, à un moment donné, j'ai dit, Chris, tu sais, prends la peine là, tu sais, de le contacter. Puis, tu sais, probablement que... Ça se serait fait, mais en tout cas, cette fois-là, il a pris la peine de le contacter. Puis, you know what, tu sais, Raoul, en grand cœur, oui, il a accepté tout de suite. Il est venu à mon studio, que c'est genre, j'en ai eu 4 studios dans ma vie, mais lui, c'était comme le pire en plus, c'était quasiment gênant. C'était d'un sous-sol, ça puait, puis tout. Puis, il est venu parce que lui, dans le fond, il faisait sa BA. T'sais, j'ai compris par après, t'sais, ça faisait comme 8 fois qu'il faisait cette chanson-là avec des groupes plus jeunes parce que t'sais, lui, c'est sa manière un peu de redonner, mais je pense qu'il s'attendait à rien. T'sais. Puis même, moi, si j'y croyais, je m'attendais à rien. Puis, petite anecdote rapide, ça vaut la peine d'être parlé. Lui, quand il est arrivé, il a écouté mon beat, il a dit, ah, oh, c'est pas pire le jeune, mais ça marchera pas. Il dit, moi, j'ai fait à 140 BPM, ça fait 30 ans. Fait que, tu sais, parce que ma version, qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, était à 90 BPM, tu sais. Puis lui, je le comprends, ça fait 30 ans qu'il a fait tout le temps à même vitesse. C'était peut-être trop demandé, tu sais, de ralentir à ce point-là. Fait que lui, il m'a dit, vite, t'as refait ton beat à 140, puis je vais le chanter à 140, puis avec tes machines d'ordinateur, t'arrangeras ça, tu sais. Moi, je savais qu'honnêtement, là, genre, on passait à côté, mais en même temps, tu sais, c'est comme... C'est impressionnant, là, Raoul Duguay dans ton sous-sol. Fait que tu te forces. Puis je l'ai fait le beat à 140. Puis c'était comme vraiment, là, genre, je me demandais vraiment ce que j'étais en train de faire. Puis le P, je l'ai enregistré à 140. Puis c'est comme, tu sais, ça n'a pas d'allure. Là, c'est que... je l'ai jamais réécouté pour de vrai. Parce qu'après ça, ce qui est arrivé. Fou. Non, mais écoutez, ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, il a fini. Ça a pris comme 1h30. Là, il fumait une smoke. Il écoutait ça avec un A2J. Puis il disait, bon, OK, ah, peut-être ce bout-là, je vais le reprendre. Peut-être ce bout-là, je vais le reprendre. Puis finalement, il retourne dans le bout, te reprend. 2 petits bouts, puis c'est fini, là. Il s'en va, là, il n'a plus, là, bye bye, tu sais. Fait que là, moi, je prends tout mon courage, puis je dis, sauf votre respect, M. Duguay, pourriez-vous l'essayer comme ça? Puis là, tu sais, je fais play à 90, puis là, je l'imite. Oui, je viens de la BTB, avec l'espèce de swing qui fait que ça marche à 90, tu sais. Puis lui, il est en train de me faire un nom de la main, tu sais, dans le bout, je le regarde à travers la fenêtre, puis là, on est fait, oh, attends une minute, on tient de quoi? Peux-tu me le rejouer? Puis là, je le rejoue, je suis tout content, puis après 10 minutes, il comme. Il me l'a refait à 90 BPM, puis là, ça marchait, là, t'sais, comme là, il chantait sur mon beat, puis là, comme là, ça se pouvait, t'sais. Fait qu'en une demi-heure, on l'a tout refait, puis ça a donné ce que ça a donné, la version que tout le monde a entendue du beat à Tibi avec Raoul Duguay et Another J. Que je vous joue tout de suite à l'instant. Malheureusement, il va falloir se quitter même là-dessus. Ah ouais, OK. Ben, attendez une seconde, s'il veut bien... Ah, la technologie. Alors, je vous envoie ça tout de suite. Moi, je viens de la Bitibi. Moi, je viens de la Bitatibi. Moi, je viens d'un pays qui est un arbre fort. Moi, je viens d'un pays qui pousse dans le nord. Moi, je viens de la Bitibi.